mokolo moko nalingaka kokufa kati na mayi obikisaki ngai pote miso na yo ekunaka nga yambo na kota na libumu ya mama baninga na ngai ya lizano bayetokolaka na bango mingi basila kokufa o bazonga na mabe misusu bakufa na mayeye bakufa na milangwa oyo somo mawa na motema soki nazali na bomoi ezali mpo na kitoko na ngai te makasi na ngai te mpe mongongo na ngai te nakanisaka na bolenge na ngaanga babwakelaka nga maladele esengelaki na kufaka obikisaki ngai ondimaki na buka na makolo yaya miso na ngai mpe monoko bongo na ngai mpe motema esalela yo bolingo na yo gogo na motema na ngai kolo na bikama o nakobosana te opesaka papa na ngai makasi mama na ngai mpe bolingo ya kosunga nga na bomwana baninga mpe poboto kolo na bikamo na balakisi meme si lozosi a ete de lancre elesi ete de parchemin chaque tige était une plume et tout homme était écrivain décrit l'amour de Dieu céleste de sécherer nos océans les rouleaux ne contiendraient point décrit l'amour de Dieu qui dépasse tout entendement. Ime, mon Jésus, est-ce mon amour t'aime? Ata basangisi bamayi nyonso tu ya mokili oyo na bakasa nyonso tu ya mokili ekomi bapapier duplicateur bazwi mabele nyonso tu ekomi batablo nzambe apesi bato nyonso tu mayele ya kokoma mpe banzete nyonso tu bambanzi oyo te ekomi bekuomelo babinyonso todekrire bolingo na nzambe libale nyonso te kokauka banzete kosila toka kodekrire bolingo na nzambe te mais je suis heureux parce que son amour et sa parole est gravé dans mon cœur depuis que lui de tout le monde. Et j'accomplis 29e chapitre des Actes des Apôtres. Je n'oublierai jamais son amour et je prêcherai toujours sa parole. Okumisama, bona bolingo na yo, yo ni make, kufa pwete na vika, jingo na esu, jambele kinyo son amour. Ata banyama, bala inzoto nani avuta kopo toko manzambi basela kopo pagande te mokonja futa tala sansa te Yeah, wake up. seka ya mote mata Oko nazali mwasi ya libala Yeah.